bienvenue dans le numéro 2 de Chronique et Histoire. L'article de ce jour s'intitule « Remettons nos anciens au centre de nos villes ». Il tenait entre ses petits doigts potelés une papillote. Le papier argenté l'avait intrigué. Il était fier qu'on lui remette un tel trésor et ne l'avait pas mangé pour nous le montrer. « C'est une mémé qui me l'a donné », nous avoua-t-il notre petit bonhomme de 3 ans. Il entamait sa première année de maternelle et c'était un peu compliqué pour lui comme pour nous. À midi, à l'époque, les petits mangeaient dans la même salle que les anciens, au foyer des personnes âgées dans mes cours. Et parfois, un ancien partageait un paquet de bonbons avec ses jeunes convives. Malheureusement, la cohabitation n'a pas duré longtemps, mais là n'est pas le sujet de cet article. Je m'indigne. J'en ai fait la remarque à mon mari lorsque j'ai vu le site de la nouvelle maison de retraite. L'architecture, les grillages autour, l'emplacement. Cachons les vieux que l'on ne saurait plus voir, perdons-les en forêt, enfermons-les dans des bâtiments trop grands, trop vastes, trop colorés. Justifions ce tour de passe-passe par des prix souvent exorbitants, alors que nos anciens ne seraient-ils pas mieux au centre de nos villes, à proximité des commerces, des médecins, dans des unités médicales plus petites, plus humaines, plus chaleureuses, ou même chez eux, à profiter en toute quiétude de leur maison, de leur jardin, de leur voisinage et de leurs animaux de compagnie. Nos villes se vident et nos vies aussi. Nous sommes condamnés à courir après le dieu argent, aux dépens du temps, de la famille, de la santé. Nous partons le matin aux aurores, claquons nos enfants en garderie dès 7h le matin pour les retrouver fatigués, exténués, et même 11h plus tard, lorsque nous regagnons nos foyers, dans le même état qu'eux. Les jours passent et un beau matin on se réveille, le corps et le cœur usés, abandonnés par notre progéniture, mais parqués dans une résidence de ce type pour attendre que la mort veuille bien de nous. Vraiment, est-ce que c'est de cette vie-là que nous rêvons ? Je connais la réponse, mais malheureusement, la solution, je ne l'ai pas encore trouvée.